Ce matin, la délégation Rousseau est à Sorel, je crois. Ah non, il arrive. Ah bon, il m'a manqué. Avec Philippe est à Sorel. C'était pas sûr si Samuel accompagnait Philippe ou pas, là. Ouais, non, bon. Alors, Michel Edimant est avec Philippe à Sorel. Et ils vont avoir le privilège d'entendre. La même chose qu'on a entendu au camp des Bouleaux, c'est-à-dire sur Genèse 16, je crois. Oui, c'est ça. Et la semaine prochaine, c'est mon ami Landry qui va à Sorel. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Fait que, donc, on est impliqués là-bas et qu'on peut prier pour eux aussi. Que Dieu bénisse. Alors, Seigneur, on prie aussi pour Philippe et Michel, qui sont à Sorel et avec leur famille. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses par le témoignage de la parole, mais aussi par leur témoignage personnel dans les échanges qu'ils vont pouvoir avoir avec nos frères, nos sœurs là-bas. Que les deux parties puissent être édifiées, et eux et nous. Et puis, puissent nous ramener aussi des bonnes nouvelles de l'Église là-bas. Alors, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Pour ce matin, on est dans Genèse 18. Est-ce que vous entendez bien malgré les ventilateurs? Fait que moi, un truc pour me ralentir quand je communique, c'est d'avoir des slides. Mais ce matin, j'en ai pas. Fait qu'il va falloir que je me concentre. Je ne peux pas parler trop vite. Mais il y a peut-être une raison là, que Dieu seul sait pourquoi c'est comme ça. Mais je n'ai pas eu le temps de transférer le matériel en slide. Par contre, le sujet est quand même léger, je pense, dans un sens, parce qu'on va parler de la foi, mais de la foi en pratique. C'est-à-dire qu'on va parler dans Abraham, dans Genèse 18. Et comme on dit, Genèse 18 fait suite à 17, puis précède 19. Fait qu'il y a une continuité dans l'histoire ici. En fait, une continuité dans toute la Genèse, Exode. Mais ici, particulièrement, là, le sujet qui nous intéresse. Abraham est appelé ami de Dieu. Pourquoi il est appelé ami de Dieu? C'est ce qu'on va voir. Trois raisons majeures, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, il a cru la parole de Dieu. Donc, trois aspects majeurs d'une vie selon la volonté de Dieu. Premièrement, c'est de croire la parole de Dieu. Et dans le texte qu'on a ici, il y a deux preuves pratiques de l'amour d'Abraham pour Dieu, qui est Dieu, ce que veut Dieu. C'est que, un, il exerce l'hospitalité, même à des étrangers. Et deux, il intercède même pour les perdus, pas seulement pour ses amis, sa famille, mais même pour ceux qu'il ne connaît pas et qu'il sait qu'ils sont perdus. Alors, il y a trois aspects donc d'une vie selon la volonté de Dieu. Puis, à l'exemple d'Abraham, moi ce matin, ce que je veux faire, c'est vous exhorter à marcher d'une manière digne de Dieu. En fait, dans le Nouveau Testament, c'est marcher d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pas juste de confesser de ta bouche Jésus-Christ. Si tu ne le confesses pas dans ta manière de vivre, c'est des paroles vides. Jacques va dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui découle de ma foi en Jésus-Christ. Ça vous va? Et pourquoi qu'Abraham est appelé ami de Dieu? Ben, c'est qu'après la circoncision, Abraham va recevoir une visite personnelle de Dieu, c'est ce qu'on va voir ici, à la suite de laquelle. Quand on va faire référence à lui dans Chronique, dans Ésaïe et Jacques, que je vais citer, on dit clairement qu'Abraham aimait Dieu, que Dieu aimait Abraham, que Dieu était ami d'Abraham, qu'Abraham était ami de Dieu. Jacques 2, 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Mais quand il crut, je répète, c'est pas juste qu'il croit ce que Dieu dit, mais toute sa vie est marquée de cette relation-là avec Dieu. Donc, si ça, c'est pas là, on a peut-être un problème. Donc, on peut se poser la question, on a là l'exhortation. Je vais quand même retourner lire, juste pour nous introduire dans Genèse 17, à partir du verset 15

car je l'ai choisi afin qu'il donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je peux déjà voir certains parents face à leurs enfants. Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Premièrement, il y a trois parts là-dedans. Un, c'est la portion où Dieu fait une promesse à Abraham, et là, il la répète à Sarah. La question, c'est est-ce que je crois Dieu pour la promesse? La deuxième partie, on le voit, c'est l'hospitalité. Il reçoit des étrangers, qu'est-ce qu'il fait? Et la troisième partie, ben, ça va être Pierre qui va en parler, mais Dieu annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorre, puis là, qui est-ce qui est à Sodome et Gomorre que Abraham connaît bien? Lot et sa famille. OK, alors Abraham est impliqué dans l'affaire et il va intercéder. Donc, si on part avec ça, croire la parole de Dieu, ça veut dire croire Dieu. Et de là vient la foi d'Abraham. Hébreux 11, si vous voulez le regarder, ça vaut la peine. Hébreux 11, 1. C'est très clair ici par rapport à Abraham. Dieu dit à Abraham qu'il était pour avoir un fils. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a ri. On ne sait pas s'il en a parlé à Sarah ou pas. Mais Dieu revient pas longtemps après, vraiment pas longtemps après. Parce qu'il dit à la même époque l'année prochaine. Les deux fois, il va dire à la même époque l'année prochaine. Bon, on sait, tout le monde, on sait que ça prend 9 mois, là, normalement, pour un petit bébé, pour arriver. Bon, mais si on part de l'époque l'année prochaine, moins 9 mois, OK? Quand il dit la même époque l'année prochaine, puis plus tard, il vient revoir Abraham, puis il dit la même époque l'année prochaine, à quelque part, là, on doit être dans la même période de temps. Je veux dire, ça fait pas longtemps. Il est venu, puis il revient quelques mois plus tard, au pire, là, pour lui répéter la même chose. Abraham va rire. Ensuite, quand ça va être annoncé à Sarah, est-ce qu'Abraham l'a dit à Sarah? On ne sait pas. S'il a dit, ben apparemment qu'elle ne l'a pas compris de la manière que Dieu l'a dit ou elle ne l'a pas cru. Et donc, elle va rire elle aussi. Mais il faut parler un petit peu de ça. Hébreux 11. Or, la foi, c'est quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, quand on dit que à la foi d'Abraham a été imputée la justice, c'est parce qu'Abraham a cru Dieu, littéralement. Mais pas Sarah, pas tout de suite. Genèse 17, au verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et il dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Et on sait que Abraham a cru Dieu. Quand il a ri, Abraham, ici, il a ri pourquoi? Tu sais, quand on peut rire parce que... oublie ça, là, mon homme, là, hein, tu sais, franchement. Ah, ah, ah, bonne ta joke. Non, mais on peut rire de même ou on peut rire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous êtes devant une situation que vous trouvez tragique et impossible, catastrophique, et pour certains d'entre nous, il est plus facile de faire des scénarios que d'autres. Et tu te fais une multitude de scénarios face à la chose et soudainement arrive un événement, un mot. Il y a quelque chose qui se passe puis tu réalises que la finalité, ce n'est pas ce que tu crains, mais c'est bien ce que tu désires. C'est quoi ta réaction? Sérieusement? Tu pensais que c'était pour être la catastrophe? Puis là, sans qu'il y ait rien de concret qui soit arrivé, là, tu as un signe, un signal, une parole. Il y a quelque chose qui est dit, quelque chose qui est fait que tu réalises que ce que tu soupires après, là, tu vas l'avoir. C'est quoi ta réaction? Tu vas aller pleurer? C'est pas la réaction? C'est pas un sourire? Hey! Yes! Quand Abraham rit ici, là, en son cœur, pas sûr qu'il est à la même place que Sarah. Est-ce que vous me suivez? Lui, c'est pas la première fois que Dieu lui dit, là. C'est une couple de fois que Dieu lui dit qu'il va avoir une postérité. C'est une couple de fois qu'on le lit. On l'a vu dans 15, on le voit dans 17, on est rendu dans. On va arriver dans 18, il va le répéter. Pour lui, là, plusieurs fois que Dieu lui dit, parce qu'il avait dit avant 15 aussi. Fait que, ça fait plusieurs fois, là, et Dieu lui dit, l'année prochaine, certainement, OK? Pour lui, c'est un fait. Mais quand il vient voir Sarah, c'est intéressant qu'il revienne, puis qu'il pose la question au verset 9, Genèse 18, 9. Il dit, où est Sarah, ta femme? Pourquoi il veut savoir hein, où Sarah? C'est intéressant. Parce que Sarah fait partie de la chair d'Abraham. Sarah fait partie de la bénédiction d'Abraham. Sarah, c'est elle qui va porter l'enfant. Bon, là, ici, je retourne à la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il faut que se passe? Donnez-moi pas réponse, là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avec Abraham et Sarah pour que Sarah ait un enfant? Quelque part, là, il y a un pas de foi à faire ici. Et Sarah, là, elle n'est pas là. Il dit, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. » Mais il a déjà dit ça. Hein? Il a déjà dit à Abraham. Mais Sarah ne l'a pas entendu. Elle l'a entendu de la bouche d'Abraham, pas de la bouche de Dieu. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Il va avoir 100, puis elle va avoir 90. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle avait accepté, concédé qu'elle n'aurait pas d'enfant de sa chair. Pour eux, c'était Ismaël, l'enfant de la promesse. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? À quoi qu'elle pense, celle-là? Là? Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe ici. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Quand Abraham a ri, est-ce que Dieu lui a demandé pourquoi il riait? Mais là, il demande pourquoi Sarah elle a ri, elle, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Zacharie dans Luc chapitre 1, verset 18, quand l'ange vient annoncer à Zacharie qu'Élisabeth, sa femme, âgée, stérile, va donner naissance à un enfant. Qu'est-ce qu'il dit? À quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Et là, je vous épargne ce que l'ange lui dit, là, mais il n'est pas content, l'ange. Ben, il dit, hey, je suis qui, moi, là? Là? Je suis l'ange Gabriel, puis je me tiens devant Dieu. Je viens de t'annoncer quelque chose qui vient de la part de Dieu. Si c'est une question de doute ici, à cause de ça, il va être muet. OK? Pourtant, Marie, elle va questionner Dieu. Quand l'ange lui dit qu'elle va porter un enfant, elle lui pose la question, elle ne doute pas de la chose, elle veut savoir comment. Comment ça sera fait-il puisque je ne connais point d'homme? À quoi il regarde Dieu? Abraham, Sarah, Zacharie, Marie. Il regarde au cœur. Au cœur. Où est-ce que tu es dans tes pensées? Est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois vraiment ce que Dieu dit pour agir en conséquence de ce qu'il dit? C'est vraiment ça, là. Ou je le crois, ou je ne le crois pas. Et on revient dans Genèse 18, au verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autrement dit, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Et même, tu sais, des mots des fois qu'on va utiliser, wow, c'est impressionnant, ça va, mais être surpris, un mot que Christian n'aime pas tellement, là, c'est le mot incroyable. Incroyable ne va pas avec la foi en Dieu. Okay? Ça ne va pas ensemble. C'est incroyable ce qui vient d'arriver. Ben non, c'est incroyable, tu viens de le voir. Mais la foi, là, c'est que je le vois avant que ça arrive, puis je le crois. Ça va? Et là, Dieu répète, parce que là, il faut que Sarah l'entende. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, au verset 15, j'ai pas ri, car elle eut peur. Elle entend la nouvelle qu'elle va avoir un enfant, elle rit parce que, voyons donc, là, tu sais. Et là, elle se fait reprendre. Pourquoi tu ris? Parce que c'est qui vient parler? Pourquoi tu ris? Et là, quand il pose la question, elle dit, j'ai pas ri. Ça, j'entends ça souvent, moi. J'ai pas fait ça, c'est pas moi, c'est pas ma faute. J'ai pas ri, car elle eut peur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Sarah, là? Elle vient d'entendre Dieu parler. Elle réalise que Abraham ne rêve pas, que Dieu déclare, et ses oreilles l'entendent, qu'elle va avoir un fils. OK? Est-ce quelque chose qui change? Hébreux 11, 11. Vous étiez dans Hébreux, hein? Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand est-ce qu'elle a cru? Après qu'elle s'est fait reprendre. Mais elle avait besoin, elle aussi, d'entendre la voix de Dieu. Puis Dieu, dans sa grâce, lui a parlé. J'ai fini Hébreux 11. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Quand Abraham rit, là, il voit ça. Il voit plus que ça. J'ai oublié le verset, là. Mais il sait, lui, que quand il parle de la terre promise, de la terre que Dieu lui promet, c'est pas un lieu terrestre, c'est une cité céleste. Il sait, il l'a vu. Mais en attendant, il est là. C'est intéressant parce que dans toute l'histoire, c'est important de savoir que ça commence au début que Abraham est assis parmi les chênes de Mamré. Depuis qu'il est arrivé en Canaan, c'est là qu'il s'est installé. Là, il s'est allé en Égypte pendant la famine, mais il est revenu là, puis il reste là. C'est là qu'il attend. Il attend ce que Dieu va faire. Il est occupé à s'occuper de ses affaires, là, mais il attend ce que Dieu va faire. Puis il attend longtemps, là. 75 ans la première fois, 86 la deuxième fois. Là, il y a 99. Patient, hein? C'est ça la foi. Job, dans ses malheurs, il dit à Dieu au chapitre 42, après avoir débattu avec Dieu, hein? Ouais, juste avant de le lire, là. On peut rire là, dans les situations où on est incrédule. Il y a d'autres fois qu'on est offensé. Ça m'amène à Job. Des situations que je ne comprends pas parce que Job, il parle avec Dieu. Il sait c'est qui son Seigneur. Hein, vous vous rappelez, hein? Il dit, je sais que après que je vais être mort, ma chair va décomposer, quand mon Rédempteur va se lever, je vais le voir de mes propres yeux. Il connaît la vérité, il sait ce qui l'attend. Et quand arrivent ces malheurs, il ne comprend pas. Il est offensé. Fait que je peux rire parce que je ne crois pas. Je peux être offensé parce que je ne comprends pas ou je n'accepte pas. Mais ça ne change pas Dieu. C'est comme tu veux. Parce que Dieu va restaurer Job. Dieu a accompli les promesses qu'il a fait à Abraham, mais il est encore en train d'accomplir sa promesse. Alors, Job, il dit à Dieu, après avoir entendu Dieu parler lui-même, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job, Sarah, Abraham, ils ont une conversation avec Dieu, puis croient Dieu. Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu, Romains 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob change de nom et devient Israël, le peuple de Dieu. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ça veut dire que les enfants d'Abraham, ce n'est pas juste la descendance de la chair. Ils ne sont pas tous les enfants parce que la descendance de la chair ne sont pas tous les enfants de la foi d'Abraham, dans la foi d'Abraham. Ils ne sont pas tous les enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Nous sommes, nous, la postérité d'Abraham par la foi. Mais si on dit oui, ben il faut se comparer notre foi à la foi d'Abraham. Abraham est patient, Abraham y attend, Abraham il sait ce que la parole de Dieu dit, Abraham se colle à ce que la parole de Dieu dit, il attend que Dieu fasse ce qu'il a dit, puis il agit comme Dieu veut qu'il agisse. De là, nous amène les deux autres points. Le premier, c'était la foi d'Abraham, c'est de croire la parole de Dieu en pensée et en action, là. Et comment on le voit de façon pratique? Ben, le premier, c'est qu'il exerce l'hospitalité. On retourne au début de Genèse. Est-ce que ça va? Je vois-tu trop vite? Non. Je vois personne qui a les yeux fermés, personne qui ronfle. Ça va. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Quand on lit les commentaires, là, j'en ai lu pas mal, il y a toutes sortes d'interprétations par rapport aux trois hommes. Une des interprétations, c'est que les trois hommes, en fait, c'est les trois personnes de Dieu. Où c'est Jésus-Christ, celui qu'Abraham va appeler Seigneur. Puis les deux autres, c'est des anges qui l'accompagnent. Mais ici, pour mon sujet, ce n'est pas tellement important. Bien, on sait que c'est Dieu, là, j'espère, quand on passe à la du texte, que Dieu est là, qu'il parle avec Dieu. Mais le propos ici, c'est qu'Abraham, dès qu'il voit quelqu'un proche, ce qu'il veut faire, c'est exercer l'hospitalité. Ben, c'était une coutume, là, quand on lit un peu l'histoire. C'est une coutume qui était pratiquée partout au Moyen-Orient à l'époque, d'héberger, d'offrir l'hospitalité. Mais c'est pas tout le monde qui le faisait avec bon cœur. Si vous regardez la loi de Moïse, ça fait partie de la loi de Moïse. Et pourtant, quand Jésus va se présenter à certains endroits, la coutume, c'est que quand on rentre quelque part, on a de l'eau pour se laver les pieds ou quelqu'un va nous laver les pieds. Mais à certains endroits, là, les pharisiens vont l'inviter et ils ne lavent pas les pieds. Là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'hospitalité est limitée. Je te reçois chez nous, mais j'ai un but autre que celui de faire le bien comme notre Seigneur le demande, avec un cœur pur, sans aucune condition. Fait que, ici, Abraham, là, il se lève. Il lève les yeux, il les voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a 100 ans, le bonhomme, là. 99. Les jeunes mensent. 99, lui. Il est assis sous la tente. Il fait chaud. Je ne sais pas si vous savez, au Moyen-Orient, là. Moi, je suis allé dans une couple de villes au Maroc, puis ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est même pas chaud. Puis l'été, là, écoute, passé à 15 minutes d'auto d'une ville, là. Puis, écoute, les vitres fermées, là, les pare-soleils baissés, toute la quête, la clim au bout, là, faisait chaud. OK? Fait que ça ne travaille pas dans ces pays-là, on peut dire quasiment de 10h30 le matin dans ce coin-là jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. C'est assis tranquille, c'est relax parce qu'il fait chaud, là. Tu fais rien, tu fais juste bouger la tête, tu as des soirs. OK? Il fait chaud. OK? Mais lui, il a 99 ans, qu'est-ce qu'il fait? Quand il les vit, s'est levé tranquillement. Il a couru au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et s'est prosterné en terre. Quoi? Il salue les visiteurs, il s'humilie devant eux avant de faire quoi que ce soit. Hébreux 13:2 nous dit: persévérez dans l'amour fraternel. En fait, c'est vrai pour l'Église, mais c'est vrai aussi pour n'importe qui. Là. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et ici, en fait, tous les commentaires, même MacArthur, M. Rousseau, là, hein, ils disent qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas reconnu les visiteurs. Il a seulement vu des étrangers, il ne les a pas vus arriver. Mais simplement par respect humain, il s'est levé parce qu'il sait qu'il arrive de loin. En plus, à l'époque, on marchait avec des sandales. On ne marche pas avec des souliers, des bottes de combat ou je ne sais pas quoi. Là, non, c'est en sandales. Fait que ça fait un bout que tu marches. Hey, il est dans le milieu de nulle part, là, tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre à cette époque-là. Là. Fait que, ils arrivent de où, tu ne sais pas. Ils sont fatigués. Ils ont marché au soleil. Toi, tu es assis à l'ombre. Eux, ils ont marché au soleil. Ils ont chaud, là, ils sont déshydratés possiblement et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là? Il se lève, il est pressé d'aller leur rendre service. Et il dit, Seigneur, ici, on peut le prendre comme une politesse plus que, ici, qui parle à l'Éternel. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Dans Luc 7, je faisais allusion aussi que l'hospitalité n'est pas toujours exercée. Jésus est invité quelque part, j'ai oublié c'est où. Puis le pharisien qui l'invite, il dit, est-ce que tu ne sais pas que la femme qui est en train de te mouiller les pieds, là, c'est une pécheresse? Jésus dit, en se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Non, ça ne me faisait pas laver. Tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle a appliqué l'hospitalité, même pas chez elle. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans Jean 13 avec ses disciples? Ouais, pourquoi? Vraiment, c'est ça? Pardon, Gilles? Pour donner l'exemple, c'est plus que la loi, parce qu'Abraham le fait avant la loi. Il n'y a même pas de loi là, quand Abraham le fait. Là. Okay? Il est ami de Dieu. Job est ami de Dieu. Okay, il n'est pas mentionné, mais on sait que Job est ami de Dieu. Dieu lui parle. Et là, hein, Il dit au verset 5, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham, soulignez Abraham, vous avez vos Bibles, là. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Bon, c'est comme chez nous. Si on a visite, j'appelais Dani, là, maintenant j'appelle Nathalie. On a de la visite. Je ne demande pas qu'est-ce que je vais faire pour souper. J'ai la visite. Je m'attends à quoi? Elle va s'en occuper. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Quelque part, j'ai lu que c'était comme 20 litres, 20-21 litres de farine. Pétri, ça veut dire travail, hein? Vite, 3 mesures. OK, je vais le dire avec des phrases complètes. Vite, trouve 3 mesures de fleurs de farine, pétris la farine et fais des gâteaux. Est-ce qu'il a demandé, ça te tente-tu? Non. OK. Fait que Sarah fait ça et Abraham couvrit son troupeau, prit un beau temps des bons et le donna à un serviteur. Soulignez Abraham, soulignez Sarah, soulignez serviteur, qui se hâta de l'apprêter. C'est pas dit par rapport à Sarah, là, mais c'est sûr qu'elle l'a fait tout de suite aussi. Parce que dans 1 Pierre 3, là, Sarah l'appelait comment son Abraham? Seigneur, c'est pas Dieu, là. C'est Abraham. Mais elle l'appelait son Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a placé dans sa maison. Et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Le serviteur, il fait quoi? Dès que c'est demandé. C'est intéressant parce que à la conquête d'Israël, quand ils vont sortir du désert, ils vont traverser le Jourdain et qu'ils vont rentrer. À Josué 24, 15. Là, on a le territoire. OK, on est rentré. Dieu nous l'a donné. Bon, là, vous avez un choix. Là. Vous pouvez servir les dieux que vous aviez en Égypte, là, que les Égyptiens servaient. Vous pouvez servir les dieux qui étaient ici, là, les Cananéens qu'on vient de sortir. Vous pouvez servir leur dieu ou vous pouvez choisir de servir l'Éternel. Choisissez ce que vous voulez faire. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Abraham, Sarah, son serviteur. Juste avant, au chapitre 17, circoncision. Abraham, Ishmaël, tous les serviteurs de peu importe l'âge. Cette journée-là, une journée. Bon, eux autres, ils ont pris un congé de 3 mois, OK? Cette journée-là, hey, tu marches vraiment dans la confiance parce que juste avant, Abraham était craintif de représailles des rois qui l'entouraient parce qu'il venait de les déranger un petit peu à leur plan. Il va faire la circoncision. Ça, c'est croire Dieu. Dieu me demande de le faire. Je le fais. Au-delà de ma compréhension, mon entente, je le fais parce que c'est ça que Dieu m'a demandé. Fait que ici, c'est toute la maison avec Abraham qui sert. Est-ce que on est d'un seul cœur dans la famille, chaque famille? Est-ce qu'on est attaché au Seigneur, tout le monde ensemble, comme un seul homme? Est-ce que dans l'Église, ici, là, on est tous sincèrement attachés ensemble à vouloir faire ce que le Seigneur nous demande de faire? Puis exercer l'hospitalité, là, c'est pas facile. Mais c'est ça que ça fait partie de notre témoignage. Ce que j'ai ne m'appartient pas, appartient au Seigneur. J'en suis que le gérant. Je vais bien le gérer, croyez-moi. Mais c'est pas à moi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis prêt, moi, même pour des étrangers? Et après qu'il va faire ça, troisième point, c'est qu'Abraham apprend une nouvelle, puis il va intercéder auprès de Dieu. La pensée de Dieu semble arrêtée. Mais Abraham intercède. Comment il fait? Pourquoi il intercède? Alors, au verset 16, comme vous avez remarqué, j'ai pris le texte qu'on a lu, puis je l'ai pris en 3 morceaux, mais pas dans l'ordre nécessairement dans lequel il était présenté. Troisième verset, ça en va à Genèse 18, 16. Troisième point, je veux dire. Donc, croire la parole de Dieu, la mettre en pratique, exercer l'hospitalité même pour des étrangers et maintenant intercéder même pour les perdus. Verset 16. Ces hommes, les 3 anges, Dieu, se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham là, est très intéressé à ces trois personnages-là. En plus que là, maintenant, il sait que c'est le Seigneur, puis Sarah aussi sait que c'est le Seigneur. Et là, il tourne le regard vers Sodome. Est-ce qu'Abraham est totalement déconnecté, là, qu'il ne sait pas ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? Et il sait très bien que ça ne plaît pas à Dieu. Et ça nous dit, j'ai oublié le passage, mais Lot, là, il est juste devant Dieu, dans le Nouveau Testament, et il est tourmenté jour et nuit à cause de l'iniquité de la ville dans laquelle il est. Fait que, est-ce qu'Abraham est au courant? Alors, quand il va tourner les yeux du côté de Sodome, Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Non, je ne cacherai pas. Amos, chapitre 3, verset 7. Pas obligé d'y aller là, mais Amos 3, 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Fait qu'avant d'aller à Sodome, là, il va dire à Abraham, pas loin Sodome, là. Ça se fait à pied, là, je m'en vais vers Sodome. Je ne sais pas c'est quoi la distance entre où est Abraham et la ville, mais pas si loin que ça. Il va lui dire. Et juste un petit point que je veux faire ici, parce que le chapitre 19, comme on a vu les previews, OK? Chapitre 19, il va détruire Sodome et Gomorrhe, OK? Mais ici, Abraham, il ne sait pas encore, fait qu'il va intercéder. Apocalypse 18 nous parle à nous. Un peu comme à Abraham. Ici, ça serait plutôt comme à Lot. Malheureusement, Abraham ne pourra pas aller avertir Lot de ce qui va arriver. Alors, il va intercéder pour Lot. Mais... je ne sais pas s'ils ont eu des conversations, sûrement qu'Abraham, moi personnellement, j'aurais encouragé Lot. Et l'histoire ne nous le dit pas, mais on peut penser que c'est arrivé, qu'Abraham va essayer d'encourager Lot à sortir de là pour faire autre chose. Là. Regarde. Mais Lot est rendu, à ce moment-là, un vieux sage qui est assis aux portes de la ville et qui discute avec les dirigeants de la ville. Fait que pour un homme juste, est-ce que c'est possible qu'on fasse des mauvais choix des fois? Même comme enfant de Dieu, est-ce que c'est possible qu'on a de la misère à se séparer du monde? Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les anges quand les anges vont arriver à Sodome? Est-ce qu'ils ont crainte de Dieu? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent coucher avec. Hommes, femmes, vieillards, enfants sont tous aux portes de la maison de Lot. Pourquoi ils veulent avoir ces deux hommes-là? OK, il va les avoir, ils sont beaux. Ils n'ont pas touché, ils ne sont pas salis, ils ne sont pas corrompus, ils veulent les avoir. C'est comme ça qu'ils sont. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Qu'est-ce qui attend les pécheurs? Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Ici, on est dans l'Apocalypse, on ne parle pas de Sodome et Gomorrhe. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Abraham, il sait ça. Abraham, il sait que ça ne va pas bien aller à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, on pourrait-tu dire que... je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le désert, Moïse, à un moment donné, Dieu dit à Moïse, « Écoute, moi, tout t'as détruit ce peuple-là, là. Je vais m'en refaire un autre avec toi. » Rappelez-vous de ça? J'ai oublié le détail, c'est où, là, mais... Là, ben, Moïse, il dit, « Hey, tu ne peux pas faire ça. Ben, tu peux faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les peuples aux alentours, si tu fais ça? Ils vont dire que tu es un Dieu qui n'est pas capable de faire ce que tu dis. Tu ne tiens pas tes promesses, tu n'es pas capable de tenir tes promesses. Si tu détruis le peuple dans le désert, à quoi ça donnait toute l'histoire? Si tu recommences avec moi, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu dit, OK, mais il y a une conséquence quand même pour le peuple. Tous ceux qui sont dans le désert, là, qui ont un âge adulte, ne sortiront pas du désert. Ils vont mourir dans le désert. C'est la génération suivante qui va rentrer dans la terre promise. Mais Dieu a le pouvoir de le faire. Alors, ici, Abraham va intercéder. Mais juste avant qu'il intercède, Dieu réaffirme sa grâce envers Abraham au verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je te rassure, Abraham. Je n'irai pas toutes les lire, là, mais vous pouvez aller lire Actes 3, 25. Pour ceux qui prennent des notes, Actes 3, 25 et Romains 4, 13. Et vous allez voir que Dieu a tenu sa promesse. Galates 3, 5 aussi. Dieu est dit et Dieu y tient sa promesse. Abraham deviendra certainement une grande nation et c'est arrivé. Deuxième chose que Dieu fait au verset 19, il nous dit pourquoi il a choisi Abraham. Je l'ai choisi au verset 19, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Michée 6:8. Vous en rappelez-vous de la chanson? Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que pratique la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pas compliqué, hein? Simple de même. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pourquoi on a été choisis, nous? On est les enfants d'Abraham. On est sa maison après lui. C'est comme tu veux? Alors, pourquoi on est là? Pratiquer la droiture et la justice. Pas juste parler de la pratiquer. Et les deux exemples qu'on a, c'est l'hospitalité puis l'intercession. Deutéronome 6. Moïse qui crie Deutéronome, hein, de la part de Dieu. Deutéronome 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Je veux que tu les pratiques. Dieu a commandé de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique, afin que tu craignes l'Éternel. Deutéronome 6. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Les petits-enfants ne sont pas là aujourd'hui, là, mais je leur dis souvent, excusez-moi, j'ai le droit d'intervenir et je vais intervenir. Bien sûr que je le fais en harmonie avec les parents. Hein? On doit être comme un seul homme. C'est eux qui ont l'autorité. Moi, je n'ai pas l'autorité vraiment, mais la parole de Dieu, c'est l'autorité. Toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits afin que tes jours soient prolongés. Et là, je vous épargne le reste, là, mais tu vas l'écrire partout, tu vas en parler tout le temps. Partout, partout, sur ta maison, en voyage, partout où tu es, tu l'écris, tu le répètes, tu le murmures, tu ne lâches pas, parce que c'est ça qui est le centre de ton attention. Je vous demanderais, ne répondez pas là, mais c'est quoi le centre de votre attention aujourd'hui? Netflix, Prime, des jeux vidéo, toutes sortes d'affaires sur les ordinateurs, vos écrans, c'est là le centre d'attention ou si c'est vraiment la parole de Dieu. Puis personnellement, là, c'est bien le fun, les petits bidules électroniques, là. Mais ce n'est pas le même feeling quand je lis un texte dans le petit bidule électronique, puis quand je rouvre la Bible, puis que je me promène d'un passage à l'autre, je vois l'ensemble de la parole de Dieu dans mes mains. Ce n'est pas pareil. Ça ne suscite pas le même effet chez moi que juste chercher un verset, là, out of nowhere, que je n'ai pas le contexte. C'est comme vous suivez? Parce que quand tu lis avant puis après, il y a toujours une explication de qu'est-ce que tu lis. Ah, tu peux relire mes notes après, Christian. Et il y a un jugement Donc, Dieu prend, il clarifie sa promesse ou il répète sa promesse. Il dit pourquoi il a fait de la promesse. Puis là, il en arrive à appliquer, lui, sa justice. Il y a la grâce, puis il y a le jugement. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu se fait de deux façons, la grâce et le jugement. L'Éternel dit au verset 20, le crime contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Est-ce que Dieu, il ne sait pas déjà? Hein? Pourquoi il dit ça? J'entends pas, là, j'ai deux ventilateurs qui vous compétitionnent. Pour impliquer Abraham, ouais, dans un sens. Ben là, on peut spéculer, là, mais Dieu n'a pas besoin de se justifier. Mais Abraham a besoin de savoir, et nous avons besoin de savoir que Dieu, là, ce n'est pas sur un sentiment, une émotion. Dieu, il sait déjà. Mais juste pour montrer sa justice, là, il vient personnellement, là. OK? Puis la démonstration de quand il vient personnellement, c'est qu'il le rejette. Qu'est-ce qu'ils font avec les deux anges qui arrivent? Ils rejettent complètement Dieu. En fait, ils rejettent même. Ils vont dire à Lot, toi, là, puis ta morale, là, arrête de nous enseigner tes affaires, là. Garde, on ne veut rien savoir de ce que tu dis. On veut les deux. On veut faire avec eux autres ce qu'on a envie de faire avec eux autres. C'est ça. Ça, c'est le rejet de Dieu. Dieu vient. Mais non, j'en ai rien à foutre de Dieu. Puis, garde, moi, je m'arrange avec mes affaires. Je le fais parce que, selon mon bon plaisir. Bien, la colère de Dieu a là une limite en ce qui concerne l'histoire de l'humanité, mais elle a eu une limite en ce qui concerne des peuples, des nations, des générations. Et si Dieu tarde à venir, ben, lui-même dit qu'il va être confronté avec Sodome et Gomorrhe, puis même ceux d'avant le déluge, parce qu'on arrive à un point où ce qu'on voit autour de nous, c'est aussi pire que presque aussi pire que qu'est-ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous me suivez? Fait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors Abraham va intercéder. C'est là qui est intéressant. Là, je ne vais pas tout leur lire, là, mais à partir de 23, là, Abraham discute avec Dieu pour essayer de, si c'est possible, de sauver la vie. C'est quoi la base de la discussion d'Abraham? Il fait appel à la justice de Dieu. Tu vas-tu faire périr le juste avec le méchant? Il ne débat même pas le fait qu'il y a des méchants, là. Il débat pas ça. Mais il y a des justes, là. S'il y avait des justes, vas-tu les détruire avec? Est-ce que Dieu va détruire les justes à la fin du monde, là, quand ça va être le grand jugement, la colère de Dieu tombe sur nous? Est-ce que l'Église va être là? Non. Pour la même raison qu'ici. C'est un exemple aussi pour l'Église. Autant décidé par Dieu, autant arrêté par Dieu, quand ça va être la colère de Dieu va tomber sur le monde, l'Église sera pas là. Ça, c'est un sujet de joie pour nous. Non? Non, ça me tente pas, moi, là. Il fait appel à la justice et à la grâce de Dieu, fait qu'il va intervenir. La seule façon qu'il peut intervenir, c'est en parlant avec Dieu. C'est pas en courant jusqu'à Sodome et Gomorrhe les avertir. C'est en parlant avec Dieu. Il s'arrête, il prend son temps. Il aurait pu retourner, quand ils ont vu se lever, s'en aller, il aurait pu retourner dans sa tente. Mais il a vu qu'ils ont regardé vers Sodome. Il a dit, on peut-tu se parler? Fait que les deux anges sont partis, puis Dieu est resté avec Abraham pour parler. La prière à Dieu doit être entièrement fondée sur le caractère de Dieu et pas mes petits besoins personnels. Parce que lui, il sait ce que j'ai besoin, puis il va me le donner quand j'en ai besoin. La prière avec Dieu, c'est par rapport à ce qui se passe autour de moi, je fais appel à lui selon son caractère. Tout ce que vous demanderez à mon Père, selon sa volonté, OK? Pas selon votre volonté, selon sa volonté, il va vous l'accorder. Et Abraham, il est à Sodome et Gomorre, comme Moïse est au peuple juif dans le désert, Israël, comme Christ, il l'est pour son Église. Christ intercède tout le temps pour nous. Il est là, c'est notre avocat qu'on a auprès de Dieu. On peut aller le voir tout le temps. En fait, il veut qu'on aille le voir tout le temps. Quand je lis la parole, c'est pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? Si je ne comprends pas, je lui demande de me l'expliquer. Et il va peut-être, j'aurai peut-être pas la réponse on the spot, là, mais quelque part, dans le temps, je vais comprendre sa parole. Parce que c'est ça qu'il veut. Le monde, il s'en vient de plus en plus mûr pour le jugement. Puis Dieu nous demande d'intercéder. Il y a encore des païens, des élus de Dieu qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Pourquoi je le sais? Parce que quand le dernier des païens va rentrer dans le royaume, c'est fini pour le temps des païens, on retourne au temps des nations. Ça veut dire que nous, là, c'est fini, notre job est fait. OK? Ça veut dire qu'on s'en va. Alors, intercédons pour que Dieu touche le cœur de ceux qui nous entourent. Pas juste ceux qu'on aime. Ça, c'est la tendance. On prie pour ceux qu'on aime. On aimerait bien que, mon fils, ma fille, mon mari, ma femme, mon voisin, ma voisine, mon oncle, ma tante. Mais les autres que tu ne connais pas, avez-vous déjà pensé de faire le tour de votre rue, prier que Dieu vous utilise, qu'il crée une brèche, que vous puissiez témoigner? Cognez pas ou pas, pas besoin. Juste priez Dieu qui intervienne dans la vie des gens qui sont autour de vous, voir si vous ne verrez pas Dieu agir. Et quand l'Éternel, après l'intercession d'Abraham, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Pas quand Abraham a eu fini d'intercéder. Quand Dieu a eu fini de parler à Abraham, Dieu s'en va. Sa décision, elle est prise. Il s'en va à Sodom. Il va aller valider, pas pour lui, valider pour Abraham, valider pour nous qu'il est juste, qu'il a raison de détruire Sodome et Gomorre. Il y a un témoin qui va sortir de là. Ben, trois témoins, là, mais un témoin fidèle et juste, c'est Lot, qui va dire, oui, Dieu avait raison. Parce que Lot, il priait, il était tourmenté pour cette ville-là. Il vient un jugement, Pierre va nous en parler, et Abraham, après avoir intercédé, s'en va où? Savez-vous quoi? Il faisait encore chaud, hein? Il n'était plus sous la tente. Parce que là, il a pris une petite marche avec eux autres. Là, il faut qu'il revienne sous la tente. Puis là, il va s'asseoir. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre de savoir le résultat. C'est Dieu. Mais Abraham sait que Dieu est juste. Alors, pourquoi il arrêtait à 10 en passant? Pourquoi il arrêtait à 10? Parce que quand on lit le texte, là, il y avait. Les anges lui demandent de tous des fils, des gens, des filles, OK? Dis-leur, ramasse-les là, pour les sortir. Comment est-ce qu'il y en avait? Bon, on ne sait pas, là, mais peut-être que dans la tête de Lot, là, il faisait le tour de la famille. OK? Pour 10, tu vas-tu détruire la ville? Non, pour 10, je ne détruirai pas la ville. Ben, il n'y en avait pas 10. En fait, il y en a 4 qui ont voulu sortir, puis il y en a une qui n'a pas fait long. OK? Fait que Dieu a détruit la ville, mais il n'a pas détruit le juste, ni ceux de sa maison qui ont voulu le suivre. Est-ce que vous me suivez? Je vous lis un dernier verset, Jean 15, 14. Vous êtes mes amis. Jean 15, 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, ce qui était Abraham, parce que le serviteur ne sait pas ce que je fais que ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Si vous allez lire Jean 17, vous allez voir dans sa prière, il répète la même chose. Tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Ils le savent, OK? C'est mes amis. Et il intercède déjà pour ses amis. Alors, la question c'est, voulez-vous être ami de Dieu? Ben, marchez d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Puis vous êtes amis de Dieu. Ça va? Dieu vous bénisse.